de parler de ce qu'il a aimé, qui oublie de raconter les histoires de son passé, qui a honte de montrer son cœur déchiré, qui prend tout sur lui, les malheurs de sa vie. Certains prétendent qu'ils connaissent demain et charlatans en vain quand le futur n'est pas écrit. Chacun choisit le passé, grave nos destins et les lignes de nos mains, mais respecter les gens qui veulent être d'un. Noir au hasard, les pleurs des amours illusoires, les gens agissent sans savoir, leur vie est dans un miroir. Certains s'éclatent sans teint, ne montreront jamais rien. Il faut être du bon côté pour voir le reflet. Il faut passer aux apparences. Souvent les gens les plus gais sont ceux qui souffrent en silence et qui ont peur d'affronter leur passé. Certains prétendent qu'ils connaissent demain et charlatans, mais en vain car le futur n'est pas écrit. Chacun choisit le passé, grave nos destins et les lignes de nos mains, mais respecter les gens qui veulent être d'un charlatans, mais en vain car le futur n'est pas écrit. Chacun choisit le passé, grave nos destins et les lignes de nos mains, mais respecter les gens qui veulent être d'un chose.